Un homme sort de l'appartement 9A 4A un matin. Il se sent bizarre, cette fois il y tient. Il y croit. Il la laissera pas. Il a envie de la revoir. Il y croit au début de cette histoire. La fille du 9A41 se doute bien d'une chose, que c'est pas la fin. Quand elle trouve au milieu de ses draps roses un mot comme un aveu: appelle-moi demain. Le même homme, du même appartement, un autre matin. Y a même pas 5 minutes, elle lui manque déjà. Il attend. Lui manque-t-elle autant, peut-être? Le regarde-t-elle partir de sa fenêtre? Elle est là, la fille du 9A41. Elle ressent quelque chose et c'est tellement bien. Tout le monde cogite, tout le monde suppose, mais elle, elle sait, il sera là demain. Cette fille là-haut entend les mots qu'on n'ose que se dire en secret à l'ombre des regrets. Cette fille sans la vie qui se métamorphose, qui nous prend, qui nous mène et puis qui nous dépose dans l'appartement, dans l'appartement, dans l'appartement de femme. La fille du 9A41 n'est plus là. Elle est partie avec lui.